Le 10 juillet, le comité central et la commission militaire centrale du Parti du Travail de Corée ont offert un grand banquet pour féliciter la réussite au lancement expérimental de la fusée balistique intercontinentale. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a préparé un banquet en compagnie de Kim Yong-nam, Fang Byung-so, Park Bong-joo, Choi Ryong-hae et autres cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée. Y ont été invités les cadres scientifiques et techniciens du secteur des sciences de la défense nationale qui ont contribué à la réussite au lancement d'essais de la fusée Phason 14. Entré dans la salle de banquet du restaurant Mongnan avec sa femme Lee Seol-joo, le dirigeant suprême Kim Jong-un a passé en revue la garde d'honneur des forces terrestres, navales, aériennes et anti-aériennes de l'armée populaire de Corée et de la garde rouge des ouvriers et paysans, en compagnie des contributions à la réussite du lancement d'essais. Fang Byung-so a fait une allocution de félicitations. Mandaté par le dirigeant suprême Kim Jong-un, il a tout d'abord félicité chaleureusement les scientifiques du secteur des sciences de la défense nationale qui ont mis au point la fusée balistique intercontinentale de la Corée du Sud, le puissant système d'armement stratégique du Parti du Travail de Corée pour atteindre d'un seul trait le sommet du renforcement des armements nucléaires nationaux et défendre à outrance le prestige du comité central du parti. Et il a ajouté: avec la décision stratégique de mettre un terme au chantage nucléaire des impérialistes américains et à toute sanction et pression des forces hostiles contre notre nation au cours de plus de 70 ans, et de perfectionner à coup sûr la fusée balistique intercontinentale visant au cœur des États-Unis afin d'ouvrir une voie directe pour la victoire finale, le respecté dirigeant suprême a toujours partagé peine et joie avec les scientifiques et techniciens des sciences de la défense nationale tout au long du processus de développement de la fusée Phason 14, en tant que dessinateur général, constructeur général et commissaire politique du groupe de développement, malgré ses multiples occupations pour toutes les affaires du parti, de l'armée et de l'État. La période pour la mise au point de la fusée balistique intercontinentale de type Phason 14 a été le processus pour le développement d'un nouvel armement stratégique et en même temps la naissance du groupe de recherche scientifique d'élite, rang militant digne du Parti du Travail de Corée, capable de mettre au point dans un court laps de temps tout système d'armes de pointe demandé par le comité central du parti. Les scientifiques, techniciens, ouvriers et cadres du secteur de la défense nationale sont tenus de garder au fond du cœur la gloire et le bonheur d'aujourd'hui et de soutenir l'œuvre du parti pour l'édification des forces nucléaires à la coréenne avec plus grand succès pratique. Pour terminer, l'orateur a invité à consolider sans relâche l'arsenal nucléaire de la Corée du Sud avec le développement successif des systèmes d'armement stratégiques à notre manière et leur renforcement qualitatif et quantitatif pour assonner des coups sévères continus aux États-Unis et à leurs suivistes jusqu'à ce qu'ils se rendent à genoux devant nous et à travailler dynamiquement pour la victoire finale de notre révolution. Au banquet a été donnée la représentation de la troupe de musique Moranbong.